vie à chaque fois que tu souris. Une journée sans toi, ça va mal, ça va parfois fatal. Comme un paradis sans ange, dans ton point étrange, c'est juste que je t'aime avec toi. J'oublie tous mes problèmes, t'es la plante dans mon cœur, celle qui fait mon bonheur. Pour toi que je suis chacun, t'as le main dans toute ta splendeur. De ta beauté, extérieure comme intérieure. Je t'aime, y'a pas d'autre qu'on suive la même route, même si parfois le destin nous déroute, nous dégoûte. Ton regard, on va te tendre la main pour faire un bout de chemin, être heureux pour demain. Avec toi, c'est certain. J'ai besoin de rien, tu m'apportes la joie. Maintenant j'espère que tu me croyais. J'en ai tellement à dire que je vais t'écrire un autre paragraphe. Te montrer que sans toi, il y a un truc que j'en arrache. Mon cœur, je l'arrache. De toute façon, à quoi qu'il s'aille, si t'es pas là, ben j'suis pas là. J'ai besoin de toi pour pas sauver. Me rendre compte, j'ai besoin de toi. Mais parce que moi, si t'es pas là, je reste là. Va t'attendre, ma grande. Pour l'amour, j'suis prêt à tout. À sacrifier le fond, on explique le live d'un fou. Mais pourquoi j'suis prêt à changer? Je vais juste te montrer un petit rayon de soleil. Et toi, tu seras au bain, tu vas le savoir. Amène ton chevi comme ça. Comme t'es chauffé dans les moments les plus froids. S'il fait chaud, il fait froid. S'il fait froid, il fait chaud. Je vais t'aider. Et alors, on est bien sur mon tour. Le fin de l'année, je vais te montrer les vrais nuages dans mon esprit. Oh, je t'en prie, y'a pas de tour ici. Parce que là, je suis capable, j'ai besoin de te voir. J'suis malade, t'attends, mais je veux te voir. Yeah.